Voici un nouveau son à la mode de chez nous. Posé par tout MF, les gars, focus et ça c'est nous. Le 7-6-7, les sao, ils amantent à la haute niveau. Je peux pas tester, négo, car le son vient du ghetto.